samedi 3 novembre, 20h. Le multiconcessionnaire de Delbault-Mistassini reçoit la visite des excavations à Savard de la Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Delbault. Prix du billet, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multigo! Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Delbault vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Delbault-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de UFC, c'est le UFC 230 avec notre ami Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny! Claude, il y a de l'actualité pas mal dans le UFC, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu sais, on se parle pas mal dans le cadre du UFC, lorsqu'il y a des numéros, mais il y a quand même pas mal de tractations, pas mal de choses qui se passent dans l'actualité du UFC. Et je pensais pas qu'une transaction ça se faisait juste dans le sport professionnel, les transactions là dans les circuits majeurs, dans le baseball, dans le hockey, mais ça s'est passé au cours des dernières semaines. Demetrius Johnson, qui est l'un des bons combattants, a été échangé dans une autre organisation des arts martiaux mixtes. C'est très très bizarre ce qui s'est passé là. Et écoute, c'est-tu une nouvelle tendance? C'est-tu quelque chose qu'on va voir, qu'on risque de revoir? Très surprenant, cette affaire-là. Ben oui, ils ont eu une bonne idée parce que, tu disais, Demetrius Johnson, c'est plus que bon champion, c'est le meilleur livre pour livre là, quoi, qu'il y a eu. Ouais. Après, quasiment. Écoute, ce gars-là était capable de tout faire, là. Mais par contre, la catégorie, là, c'est un 120, donc c'est une catégorie qui n'est pas beaucoup. Puis qu'il ne faisait pas des gros pay-per-view. Donc, ça, c'était plate pour ça. C'était un des meilleurs, sinon le meilleur combattant livre pour livre. Mais le gars, il attirait pas les foules. Ou le moyen des amateurs qui regardent le MMA. Parce que le fan hardcore, là, ça représente juste 15%, ça. La masse normale, elle représente 85%. Ça fait que c'est tout part de là. Fait que au Japon puis en Asie, ONEFT, eux autres, là, les petites catégories, ils sont autant appréciés que les grosses, là, parce qu'il y a une culture de combattants plus différente. Ça fait que ils sont plus appréciés là. Puis Ben Askren, ben, c'est un Américain, ça fait que c'est un très bon lutteur, il a lutté au niveau olympique puis tout. Il était invaincu amateur, je pense. Puis écoute, c'est toute une machine, lui aussi. Fait que ça va être. C'est un bon échange, c'est correct. Tout le monde va être gagnant, je pense. Mais tu sais, on va juste voir ça. Moi, c'est l'aspect transaction qui m'a fasciné là-dedans, là, tu sais. Ben, ils l'ont fait un peu quand ils ont fait de la co-promotion pour le combat de. Floyd Mayweather contre. Oui. Là, ils ont changé des athlètes, mais quand ça fait plaisir à tout le monde. Je me dis pourquoi pas. Ben non, je pense ça fait parler. Johnson, ils ont donné un bon montant, puis tout le monde est content. Fait que, puis ils vont tous apprécier là-bas. Puis Askren, lui, ben c'était un des meilleurs hors UFC. Par contre, quand tu regardes sa fiche de route, là, c'est sûr que tu. On connaît. Les gars qui sont, ils connaissent pas. On verra ce que ça va donner à l'UFC, là. Ben, tu veux dire, bon, ça vous fait parler de. La catégorie que Johnson est rendue, ça vous fait parler. Tu sais, c'est quand même assez spécial. Il y a le Russe qui a battu Khabib Nurmagomedov qui avait affronté Tony Ferguson dans son prochain combat. Lui, il veut avoir un contrat de 50 millions. 50 millions, son prochain combat. Ouais, ben c'est parce que c'est Khabib, là. C'est lui qui a battu McGregor, là, tu l'as dit. Puis, ben, parce que McGregor, je pense que c'est... En tout cas, les rumeurs disent que c'est à peu près ça qu'il a fait. Fait que lui, il dit, gars, j'ai écrit ça une volée à McGregor, ça fait que je mérite au moins ça, puis moi, je suis invaincu. McGregor, c'est de refaire battre 3 fois, il a tapé 3 fois. Il dit, moi, il a fait ça à son dernier combat, ça fait qu'il dit, je vaux au moins ça pour mon prochain combat. Puis là, on veut pas, il doit avoir des gros pay-per-view draws aussi, parce que la Russie, là, c'est quoi? C'est 150 millions de population, ouais, je sais pas. Ouais. L'Irlande, là, c'est quoi? C'est 20 millions, je sais pas drôle. Ça se compare pas, là. Ouais, ouais. Puis je pense qu'il peut être une grosse star, tu sais, dans le bloc, l'ancien bloc de l'Est, si on veut, là. Fait que Khabib, fait que j'ai hâte de voir. Mais il peut avoir. Il est déjà pas mal pris, là. Puis dit lui-même, fait que j'ai hâte de voir. Mais un, oui, contrat, peut, un contrat de 50 millions, là, il peut avoir ça un contre George. Parce que, ah oui, ça pourrait être quelque chose. Oui, ça va se faire probablement. Ça. Parce que dans le fond, là, tu sais, soyons honnêtes, la vedette la plus vendable du UFC, c'est Conor McGregor. Puis il l'a battu. Oui, c'est ça. Puis en plus, George, ça pourrait être un gros combat intéressant parce que George, il attire aussi beaucoup de pay-per-view. Ouais. Puis ces deux gars, écoute, George cherche des gros combats, puis l'autre aussi. Fait que ça peut faire de quoi d'intéressant. On va voir ce que Dana White, lui, a, Dana White, lui, il n'a pas d'air triché sur ça. Ouais, ben, Dana White, je pourrais le nommer plusieurs fois qu'il a dit qu'il voulait rien voir, puis que quand il a eu assez, quand il a regardé les chiffres, il a dit, OK, on le fait, là. Je pense qu'il est bien plus drivé par ça, lui, de toute façon. Ça fait que ça se peut que ça se fasse. Ça se pourrait très bien. OK. Mais on n'a pas parlé depuis ce temps-là. Comment tu as trouvé ça? C'est sûr que c'était très ordinaire. C'est sûr que, écoute, Patrick Côté n'a pas été tendre envers le Russe. C'est sûr que ça fait WWE. Par contre, peux-tu dire... Ouais, que, ben, ça, que... Danny, mais... C'est ça, mon ami, je sais que tu es un amateur de boxe. Comment est-ce que tu en as eu des fois? Ben, ouais, c'est sûr. Je peux t'en nommer 20 facilement. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, tu ne m'as pas fini de dire. Non. La journée qu'il va monter dans l'octogone, ce gars-là, il va attirer des codes d'écoute. Là. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut, mais écoute, comme ils disent, on est dans la fin de business. C'est des fois, c'est un autre fighter qui saute sur un autre fighter. C'est pas bien. Ouais, ouais. Hey, parle-nous. Je qui m'excitait bien. Ouais. Parle-nous du UFC 230. Daniel Cormier qui va affronter, qui remonte dans le ring demain contre Lewis. Pas le ring, mais je te parle de l'octogone, je me mets tout le temps. Donc, Cormier qui est un des bons combattants livre pour livre, va affronter Derek Lewis. Ben, ça va être un bon combat certain. On sait que Cormier était champion en 205. Il a battu Stipe Miocic dernièrement, là, à son dernier fight heavyweight. Miocic, qui était le champion poids lourd, qui avait défendu son titre le plus de fois. Moi, je pensais qu'il était dominant. Je pensais que Miocic allait gagner. Mais Cormier n'avait jamais perdu chez les poids lourds. Puis écoute, il nous a sorti toute une performance malgré son âge, on pourrait dire. Mais c'est un gars qui était de calibre olympique en lutte. Donc, c'est un gars qui est un athlète, là, qui est compétitionné toute sa vie. C'est pas qu'on Derek Lewis qui se définit un coureur de rue, mais c'est quand même un bon gros fighter. Écoute, c'est un gars qui a une grosse taloche, mais je pense que ça sera vraiment pas assez là, pour battre Daniel Cormier. Mais bon, on verra ce que ça va donner. OK. Donc, y a-t-il d'autres bons combats également? Oui, il y a deux, trois autres très bons. Ouais. En demi-finale, il y a Chris Weidman contre Ronaldo Souza. Ouais. Écoute, Wyman, l'ancien champion de Souza, qui lui est multiple champion en BJJ, là. Puis un très bon combattant d'MMA aussi. Donc, ça va être un bon combat. Wyman a des bonnes amenées au sol, une très, très bonne lutte, puisque c'était un division 1 en lutte. Écoute, puis un bon boxeur aussi. Ça fait que ça va donner un super bon combat. Ça, c'est sûr. Puis sinon, les autres noms sont moins connus un petit peu. Mais il y a quand même une bonne carte, là, puis ça va, juste pour la finale, la demi-finale, ça va avoir plein de choses. Effectivement. Claude, on se part pour le UFC 231. C'est beau, parfait. Notre ami Claude Perron.